L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Proposer à vos enfants à partir de 4 ans de bouger et de découvrir de nouvelles activités, c'est l'objectif Daya Dance Kids, proposé par l'association 5e Art à l'occasion des fêtes de fin d'année du 26 décembre au 5 janvier. Ayette El-Mansouri, bonjour. Oui, bonjour. Avant de parler en détail de Daya Dance Kids, rappelez-nous un peu quels sont les objectifs de l'association 5e Art. Alors, l'association 5e Art, c'est une association avant tout dirigée vers les femmes, les filles, les adolescentes. On reste ouvert bien sûr aux hommes lorsqu'il s'agit d'activités de loisirs, mais c'est avant tout une association que j'ai créée dans le but de promouvoir l'activité physique, sportive et artistique pour toutes les filles de quartier, pour toutes les adolescentes, les enfants, les mamans, les femmes seniors, les femmes qui viennent d'accoucher. C'est vraiment l'objectif, c'est s'épanouir à travers une activité physique qui nous correspond. Alors que ce soit la gym, le yoga, le pilates, la danse, le côté artistique et scénique, la chorégraphie. Et en parallèle, bien sûr, on a des activités de loisirs en famille, des activités de sortie en famille avec papa, maman, enfant ou grands-parents. On privilégie vraiment le lien social, on favorise les rencontres intergénérationnelles, ce qui sont très très importantes. C'est pour ça qu'on est surtout en ce moment pas mal dans les maisons de retraite à offrir un spectacle de Noël. Exactement. Donc ça fait presque 20 ans que l'association existe maintenant. C'est ça, je l'ai fondée en 1999. Parlons maintenant de cette fin d'année. Daya Dance Kids, ce sera donc du 26 décembre au 5 janvier. C'est la première fois que vous organisez un rendez-vous tel que celui-ci. Alors, exactement, j'y reviens parce que Daya Dance est une nouvelle activité que j'ai développée. Donc ça fait 3 ans que Daya Dance existe. Mm-hmm. Je l'ai breveté l'année dernière. Donc Daya Dance, c'est un concept que j'ai mis en place pour justement être un petit peu, alors sans prétention, mais c'est un petit peu détrôner un petit peu la Zumba. Pourquoi ? Parce que la Zumba, c'est voilà une activité physique qui coûte excessivement cher. Et nous, l'objectif, c'est trouver le moyen de favoriser le sport à moindre coût et permettre à toutes les familles, que l'on soit salarié, non salarié, de pouvoir accéder à des activités de remise en forme, de bien-être. L'objectif d'Daya Dance, c'est vraiment de, pendant une heure, on se défoule. Toute cette partie-là, elle concernait d'abord les adultes. Et on s'est rendu compte au fil de ces 3 dernières années que les enfants qui accompagnaient leur maman, surtout pendant les vacances scolaires, se prêtaient au jeu, se défoulaient et puis aimaient énormément ça. Et cette année, on a décidé de faire un dérivé, Daya Dance Kids. Et ce dérivé, on l'a proposé sur un calendrier annuel, mais surtout, on l'a proposé sur un calendrier vacances scolaires. Donc en octobre, ça a été l'ouverture, octobre 2017. Ça a bien marché et on s'est dit pourquoi pas le reconduire pendant Noël, les périodes de fête. Alors pour plusieurs raisons. La première raison, c'est pendant les périodes de fêtes, il y a peu de crèches ouvertes, d'une part. Il y a beaucoup de centres aérés, mais qui sont pleins aussi. Et nous, notre activité, Daya Dance, elle permet de bouger, de se défouler, et elle correspond tout à fait à la politique que nous, on a mis en place, c'est-à-dire favoriser le sport, limiter la sédentarité. Aujourd'hui, les enfants, à partir de 3 ans, sont derrière des téléphones, des tablettes. Les mamans, beaucoup de mamans prêtent le téléphone à l'enfant et avec les dessins animés qu'on peut mettre en replay. Donc aujourd'hui, les enfants sont très sédentaires, ne bougent pas suffisamment. Et Daya Dance, c'est un moyen pendant les vacances scolaires de se dire de 9h30 à 11h30, un enfant va venir pendant 2 heures se vider la tête, bouger, se dépenser, développer sa force, développer son endurance, développer sa puissance. Et surtout, à travers une activité comme celle-ci, on favorise les rencontres, puisque c'est ouvert à tous les enfants à partir de 4 ans jusqu'à 10, 11 ans. Et c'est ouvert aux enfants vendopériens, non-vendopériens, des villages, de tous les quartiers. Donc on est vraiment dans une démarche de socialisation, d'échange avec l'autre. Et pendant 2 heures, on propose une activité où on travaille la coordination, le rythme, la mémoire. On travaille aussi sur la musique, le développement corporel de l'enfant. C'est vraiment une activité qui permet à l'enfant de se fatiguer et de rentrer à la maison avec, bien sûr, voilà, ceux qui ont des devoirs, des choses comme ça à faire, d'avoir une meilleure concentration. Et pour les enfants qui font des siestes l'après-midi, les parents nous l'ont dit, mon enfant est quand même plus détendu, il est plus reposé, et puis la maman se repose aussi. C'est une expérience à tester donc, pour ces enfants dès 4 ans, hein, on peut les inscrire. Donc, ce sera de 9h30 à 11h30. À 11h30, voilà. Tous les jours. Et l'après-midi, il y a aussi des ateliers créatifs. L'après-midi, on est orienté, donc là pour les ados, oui. Pour le coup, on est sur un travail pareil, artistique, chorégraphique, toutes les jeunes filles à partir de 12 ans jusqu'à 17 ans, celles qui veulent faire de la danse, celles qui veulent faire de la danse comme dans les clips, qui sont fans de Beyoncé, Rihanna, Pink, on travaille vraiment des chorégraphies pareilles, qui ont un dynamisme, qui ont une synchronisation. Et aujourd'hui, la génération actuelle, très YouTube, mais pareil, on bouge pas, on est derrière son téléphone. Donc on a décidé de mettre en place des activités, encore une fois là pour les ados, gratuite. Il n'y a pas de barrière financière, il n'y a pas entre guillemets d'excuses ni pour les parents ni pour le jeune de se dire je n'ose pas y aller ou j'ai pas les moyens ou voilà, c'est à proximité, c'est au parc des sports de Vendeuve, c'est dans une salle de danse, on ne demande pas de tenue particulière. Pas d'expérience non plus, on peut venir, on n'a jamais dansé, on peut venir Exactement. Exactement, c'est vraiment l'idée des vacances scolaires, c'est de s'initier, de découvrir et puis de prendre goût pour pourquoi pas s'inscrire sur l'année et travailler vraiment, lutter contre cette sédentarité, cette jeunesse qui aujourd'hui ne bouge pas beaucoup. Et c'est un constat qui est réel parce qu'on côtoie énormément de jeunes et malheureusement, ça bouge de moins en moins. Voilà. Alors, une belle initiative en tout cas de l'association 5e Art et la vôtre. Merci. Particulièrement donc de proposer ces ateliers pour les vacances. Donc c'est du 26 décembre au 5 janvier. Les infos pratiques pour s'inscrire, comment on fait ? Alors, les infos pratiques, c'est par téléphone au 06 03 35 38 94. Il est ouvert 7 jours sur 7. Je ne dirais pas 24h sur 24, mais presque. Sinon, c'est aux 2 rue de Harlem à Vendeuvre-les-Nanty. C'est le bureau de l'association 5e Art, donc 2 rue de Harlem à Vendeuvre. Et sinon, par mail ou via Facebook de l'association. Facebook, c'est 5e Art. Et par mail, association 5e Art, tout en lettres, tout en minuscules, @yahoo.fr. Eh bien, merci beaucoup. Merci à vous pour votre écoute. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.